tu vas sortir en clip quand? Demain directement. Donc, à 20h. Ok. Normalement, on sera là. Si Gras. Ça dépend de Gras. Si Gras, tu vois, il est OP. Mais, oh, parce que mais, Gras, attends, des fois, on te connaît. Hein. Mais Gras, il est plus dans la vidéo, Gras. C'est bon. En fait, ça dépend. Si Gras, ce soir, tu l'emmènes au QG. Peut-être, peut-être ton clip, il sort jamais, frère. Oh. Non. Voilà. On te connaît, wesh, Gras. Avec Mike. Il va s'endormir le matin, il n'y aura rien. Ah. Non, demain, Maria, nouveau clip de KX. À quelle heure, tu m'as dit? 20h. 20h. Ça dépend de prières, Gras. Ce soir. Si. Allez, c'est parti, je mets le premier son. Donc, c'est KXR, Fit Chao, je fuis les soucis. Si. Si tu m'invites sur un saut mort, genre le katana du fourreau, on va briser des colonnes. Elle ou dans la ville, je traîne solo. Ray, je regarde la montre comme chronomètre. Avant de partir, faut trop d'oseille. Petit soldat veut finir colonel. Sur nos cicatrices, pas de maquillage. Personne n'avait rêvé de cette villa. Ouais, méfie-toi, tout le monde t'attend au virage. Une fois le dos tourné, c'est ton poteau qui te la met. KXR, c'est le Fitzer, oui, chef. Je suis bouillant, mais j'ai le cœur qui gèle. Dans le mouvement, je n'ai jamais triché. Si demain j'arrête, d'autres arrivent par dizaines. RDD, 10ème étage. Indélébile, pas de véléda, venu pour faire des dégâts. À leur pile, je serai là. Si je prends le magot, vous ne me reverrez pas. Je suis dans l'espace d'une autre espèce. Je me nourris de musique et de fumée épaisse. Tout et tout de suite, vu que le temps presse. Y'aura le soleil après la tempête. Je suis parti loin, je suis venu pour tous les mettre à l'amende. Sur mon front, je prendrai la cour pour pas faire le mendiant. Je suis parti loin, je suis venu pour tous les mettre à l'amende. J'ai pas le temps, j'dois faire la mala. T'étais mon frère, tu retournes ta veille. J'ai des rêves ambitieux comme un malaga. Plus de flow que toi, négro, c'est gênant. J'suis dans son lit, gros, j'la fais gémir. C'est pas pour le buzz, envie de gémant. Croyez pas que j'le fais par plaisir. Et sur ma mère, des rappeurs, j'les défonce en 2-3 phases. Comme dit mon père, un beau travail, c'est là où tu ramasses. Mano, tu me sers, mais derrière, je sais que tu changes de face. J'ferai le fier quand dans le rap game, je trouverai ma place. Hey. Dans mes notes, tu peux trouver mes sentiments. Ça se voit qu'elle veut mes centimètres. Pour l'instant, je baisse tes rappeurs bien gentiment. Je veux de la monnaie grâce au rap, c'est épuisant. Et je suis flex au taga toute la notion. Ok, t'as percé mes bons, mes pensées me suivent. Fais pas le canard, tu l'as pas touché. Ah ouais. Je suis parti loin, je suis venu pour tous les mettre à l'amende. Sur mon frangin, je prendrai la cour pour pas faire le mendiant. Je suis parti loin, je suis venu pour tous les mettre à l'amende. C'est KXR, c'est KXR. Mélange ses verres dans le cup, je vois flou. Demande pas si je vais bien, négro. Des milliers de rappeurs dans mon cup, je suis fou. Je les bois comme si c'était du vin, négro. Je moque Maria, je tape Maria. Je mélange Maria, je pense à Maria. Elle me trouve marrant, mais moi je veux mailler. Je fais beaucoup de mal et je rentre dans la mêlée. On va te balader, tu vas plus la voir. J'ai la jack à l'oreille, elle me dit de la voir. Elle m'a bien mangé, j'ai les yeux tout noirs. Je veux une bête de paye pour le manoir. Boy, elle me console le sentiment. Elle a trois cagés de make-up sur sa tête et haut. On le sait que tu mens. Depuis que tu rates tes fesses auto vert tranquillement. Alors ça dit quoi? Tu payes ou tu tailles? Je suis fort, m'en veux pas. Tu mailles, t'as mal. Quand tu rates, c'est une galère. Je monte et j'accélère, je ferai tout pour ma mère, menteur, j'en ai pas l'air. Mélancé vert dans le cœur, mélancé vert dans le coin. Dans le cœur, mélancé vert dans le cœur, mélancé vert dans le coin. Dans le cœur, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. Des critiques et des bons avis, la boule, boule, elle en a envie. Elle kiffe ma vie, mais aussi. M'a dit que stop t'es si, ma graine négro tout. Va vite, j'suis un réglès, ouais mon négro. J'suis dans la caisse, ouais mon négro. Y'a pas de détresse, ouais mon négro. J'vais pas nerfs, ouais mon négro. Mélancé vert dans le cœur, mélancé vert dans le coin. Dans le cœur, mélancé vert dans le cœur, mélancé vert dans le coin. Dans le cœur, Maria, Maria, Maria, Maria. Radio-Sud.net 101.8. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vous êtes toujours dans la 25e, 22h minuit, émission spéciale KXR. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, boum, mon pote. Ce son, c'est un banger, hein, le Maria, là. Ah ouais? Bah, moi, je trouve que c'est un banger, hein. Maria. Celui-là, Maria. Je l'ai fait où? Ah! Je l'ai fait où? Ah! Je sais pas si mon tonton, il m'écoute. Non, Meda, ça capte pas, hein. Ouais, c'est bon. Meda, je pense pas. Si. Non, Meda, ça passe pas. Mais si, bien sûr. Bah, je l'ai fait à Meda. Ok. C'est mon tonton, il a un studio. Ok, si, si. Et j'ai vu que t'avais fait le tournage en boîte ici. Ouais, je l'ai fait au QG. Au QG Club. Ouais. Ok. Qui ferme, selon Julien. Selon toi. Oui, voilà. Donc, on... les rumeurs qui disent que le QG Club va fermer, s'il vous plaît, les amis, apprenez à lire un article de journal. J'ai vu aussi un truc sur la crime là, qui s'était fait têche du Tchex. Apprenez à lire un truc, à décrypter si c'est vrai ou c'est faux avant de publier. Merde. Ouais, mais c'est vrai. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ouais, ouais. Ton son Maria, franchement, je pense que ça peut faire un bon bordel, tu vois. Je pense que ça peut faire un bon bordel. Tu penses niveau comment? Niveau vue, tout ça? Niveau vue, je pense que c'est ça va monter vite, tu vois. Ah, déjà, ouais. Déjà, si le QG... relais de son côté, je pense que tes gars de toute façon ils vont relayer ça aussi. Ouais, bah ouais. Ouais, je pense que tu peux faire un bon truc. Le son est bon, le son est bon, le son est bon. Il est bien. C'est un bon créneau. Merci. Tu vas me l'envoyer, sinon je vais le télécharger. Illégalement. Direct. Oh, c'est un mec illégal lui. Tu vois, ouais. J'ai vu ça tout à l'heure. Il s'en fout. J'ai pas oublié. Et par rapport au son que nous on a fait, pareil, ça fait plusieurs week-ends qu'on essaye de trouver un lieu pour tourner. Ouais, c'est toujours ouais. Pareil. T'as capté, c'est ça. Mais c'est chaud. Donc du coup... S'organiser tout ça. Vous allez clipper ça? Ouais. En fait, on doit le clipper depuis... C'est qui le clipper? Depuis un mois. Avec c'est gras. Ouais. Non, mais c'est... On l'aura dans deux ans. En fait, en gros, tu vois, on cherche un lieu un peu chic, un peu... Exotique. Tu vois, un peu luxueux. C'est toi, ça. Genre c'est château, ça. Tout ça, mais on n'arrive pas à trouver. Genre quoi, chapeau? Non, un château, je vais pas tourner dans mais un non, château. Mais non, un château... Ça se trouve, hein. Luxe. Bah ouais, je l'ai trouvé. Ouais, enfin, j'ai regardé et j'ai trouvé. Enfin, un beau château, mais ils s'en foutent de nous. La vie. Donc après... Genre, ils nous ont mis un gros vu. Ouais. Enfin, ouais, en plus, je me rappelle que Gray, il avait fait le mail, tout ça, mais... Bon, donc on va passer une annonce aussi. Si jamais tu as un château, tu veux accueillir c'est un château des jeunes pour faire un clip, je prends. Si tu as un château, non mais pour après, un clip, on est bien élevé. Si vois, jamais c'est un juste château, on vient, on est gentil, on si casse pas. Si tu as un château, tu vois, allez sur un Airbnb, vous êtes ouf. Bah ouais, c'est ça ce qu'on a. On a contacté différents. Enfin bref, Voilà. Ouais, ouais. On n'arrive pas à trouver, mais on finit. Je m'en charge, laisse-moi deux jours. Voilà. Ah, carrément. Foutu. Ouais, laisse-moi deux jours. On est foutu. Oh là là. Bon, bah, pour ma part. Je vais aller boire mon blanc. Jones, lui, il va partir dans sa night. Ah ouais. Moi, personnellement, je n'avais plus de questions à te poser. J'aimerais bien t'entendre, Pera. Ouais, là, ouais. On va passer dans la partie freestyle. Okay. J'ai vu que tu m'avais envoyé des prods. Moi, j'ai quelques prods de côté. Ouais. Mais je vais mettre les tiennes en priorité. Si tu veux, okay. Pull-up. Si les mecs, ils ont envie de Pera, de se lever, ils peuvent. Bien sûr, les gars, ça va rapper, hein, Luffy, tout. Moi, ça. Tout le monde va kicker, c'est ça. La dernière fois. C'est ça, Negrito, tout ça, ma gueule. La dernière fois, je devais poser mon texte. Mais bon, vas-y, on m'a coupé. Ouais, le temps a été contre toi. Les illus. Au pire, tu peux ouvrir le freestyle, hein, si tu veux. Vas-y, vas-y, je rappe. Écoute, écoute. Non, vas-y. Écoute. Y'a pas de ça. Ok, c'est la 25e. On passe dans la partie freestyle avec KXR, émission spéciale. C'est parti, mon ami. Directement espagnol. Ok. Hey, hey, hey, hey, KXR. Hey, c'est KXR, c'est KX, ouais. La 25e. Ah, y'a. Purchase your tracks today. J'suis méga posé dans mon monde. Je veux les pesos, c'est nickel mundo. Gros tac, l'état go, c'est ma mode. Quand je vais percer, faudra pas mendier. Rapper, c'est automatique, je veux le 4. Matic, le frérot, m'a dit que si je voulais faire du bif, y'a pas deux. Tactique, fait belle, go snitch. Et soirée finie, ça se péta. Fais pas l'acteur, ça le pétasse. Pour faire des sous, on est corda. Je suis complètement rapade dans l'IL, se dessable. On dit pas non pour le fighter. Je peux pas te capter, je t'appelle ta l'heure. Ouais, ça dit quoi, mon négro? Depuis qu'on se parle plus, tu fais le tour en un quart d'heure. Ma coupe est de plus en plus jaune, de plus en plus jaune. Tel un super saiyan, donc tout le temps j'évolue. Comme le petit Trunks, des cas qui tombent sur mes peu glisser que le début. Y'en a trop dans ma tête, mais t'inquiète, j'assume. Y'en a trop dans mon cachet, mais t'inquiète, j'assume. Et pas que ça carolait, je voulais me faire des thunes. Hey, hey, hey, hey, on gère la base comme des grands. Je t'assure qu'on n'est plus des enfants. Alors si tu décides de faire le que mes soutards, on va te réduire en cendres. Je vois qu'il est sous-tise. On est dit ça, rentrer dans le truc. Dans la mêlée, il se prend des coups. Arrête tes sottises, ça se vénère pour un fur de cut. À la fin, je saigne, c'est fou. Allô, t'es où, boy? Je te vois pas. Tu prends des coups, boy, pour des dollars. Mélange ces verres dans le cup. Je fais mes affaires sans être coupable. Je vais être dans le 4-4 bleu 1. Mélange la potion dans le caleçon 25 meufs. Tradition, change pas son. J'tire ses cheveux, boy. Et je te jure, ya, hey, que mon cœur c'est un octogone. Sous ta cage, j'augmente la cadence. C'est pour ces femmes que je suis au fun. Et je suis fly, négro. J'en ai marre, poteau. J'en trouvais le gros lot. Pour qu'on me dise des shows. Avec qui tu traînes? Vas-y, dis-le moi. Faut que je me recommence, négro. Que je vois plus droit. On dit pas non pour le fight. Ah, ça change direct là, c'est ça. C'est ça. Espagnol, c'est dingue. Franchement, je kiffe trop ces instruments. En espagnol, en mode de type beat d'Espagne. Aïe, aïe, aïe, aïe. Eh. Je reviens de Paname, j'suis niqué, sa grand-mère est Soconi. Et si je lui brise le coccyx, elle en demande encore plus. Toi t'es commis d'office, et au comico tu fuis des orifices. Je n'ai pas le temps, je fais mes bails. T'es pas de taille, pourquoi tu brailles? J'suis sur les rails, j'fais mon travail. Nanana, dada. Pull up, direct. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Pull up. Pull up, ouais, mon négro. Pull up, direct. La balistique, KXR. RR. Aïe. Directement celle-là, vas-y. Bang. C'est KXR, c'est KX, ouais. Ah, ouais, y'a. Ouais, ouais. C'est KXR, c'est KX, ouais. Ouais, ouais, hein, ouais. On est rapta, ouais, dans la brechant. 243 dans notre gobelet. Je peux jurer qu'on va te faire des go billets si tu veux ski tout le temps pour rendre le papier. Mais putain de merde, qu'est-ce qui t'arrive? Ta voix au bigo se paralyse. Je vais à max de rallye que pour la mif. Ton flow est penchant comme la tour de Pise. Y'a, hey, j'ai pas le temps, j'ai cet été à tété. Et je dois retrouver ma teuté entêtée. Je veux pas retrouver ma teuté entêtée. Ambition de conduire l'audit tété. J'en ai trop dans la tête, mon négro, c'est dégueulasse. Quand t'es dans le trou, y'a personne qui te ramasse. Hein, si se règle le pitch, ouais, t'as fait la snitch. T'étais mon frère Romé à quelque chose qui est cassé. Hein, je te fais la passe dès quand je mélange la potion, j'suis barré. J'veux le succès à 250, c'est carré comme XP, c'est correct. On peut faire la legue si tu snitch, boy. J'veux retrouver mes sons sur le billet bord. C'est tout pour les miens, mais la mif d'abord. Fais belle avec négro, y'a ta bitch à bord. Y'a ta bitch à bord. Fais belle avec négro, y'a ta bitch à bord. Y'a ta bitch à bord. Belle avec négro, y'a ta bitch à bord. Luffy, eh. Belle avec négro, y'a ta bitch à bord. Putain de merde, putain de merde. Faut des millions de dollars, éviter à tout prix des dollars. Sinon c'est trop tard, à Noël le matin c'est le père fouettard. Tous les jours c'est un passe-temps, faire venir en masse tous les passants dans le furet de la durée de la pasta. Revolver et y'a pas de sur la scène du crime. De trois rails tu tombes, tu chutes. Y'a cliquer propose si chute. Si t'es vif, qu'est-ce qu'il a vu? Pour les sous devenus bruts, des négros déchaînés dans la horde. Trop les gros, les saints doigts ils te mordent. Balance ligoté, on va mettre chicoté dans nos cordes. Pas que trop mécra dans le fort. Clio société, ça leur met le feu. Dans la nuit ça a tiré, tous les jours des coups de chlasse. Pas de soucis pour Alice si tu coffres. Y'a les top là qui me lassent, c'est prévu que je me taille, je fais ma liasse. Billet vert pour si pour ça, mais pas pour des tasses. Pose-toi tout l'hiver, on verra si t'as la dalle. En Espagne, plein coulé, dit Dallas. Dallas, Dallas, Dallas. Raconte que tu fais, pas ce que tu vois. Poulo, bang, tiré. Négrito énervé. Négrito énervé. Négrito énervé. C'est pour le Doroco. Attends, calme-toi. Piatch a des traces de pneus. Ah là là, trop chaud là. Piatch a des traces de pneus, va chez Noroto. Non, c'est fait pour le Doroco. Piatch a des traces de pneus, va chez Noroto. Pas floppé surtout quand ça devient chaud. J'ai la rage, petit peu comme Naruto. J'écoute pas ces gens là, c'est des narrateurs. Toi, j'suis sous la roca, dis-moi pas ta peur. Taurine dans la vodka, j'suis d'humeur, t'as peur. J'ai une fourmi dans les dents car j'hésite à te faire. J'étais pas de faire, j'ai même pas peur. J'ai les mains vertes, mais j'suis noir. Si on se pas de cette qui vient assise. Des bétons pour des tijas, ouais, miskin. Équipé de la parka, il fait frisquet. En hiver, on se réchauffe grâce au whisky. Le plafond, il rapporte, il est risqué. La justice, c'est nous, c'est pas trop ça. C'est contre le jeune âge. Des quêtes là, t'as 16 dans la coche. Ça, j'suis parti en couille des enfants. Plus tard. J'suis parti en couille 2 ans plus tard. Putain de merde. TLK. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois du flou, je casse tes lunettes, tu vois flou. Tu vois Kaba en baiser la route, tu cours, tu penses jouer, t'es fou. Une touffe de taf, je remplis mes poches. Un corps de corps, je déduis toi. Le four, il tourne des trous, du bif, du doigt. Billet identique, il soit sale ou bon. Fais pas le gâteau, monster, c'est une loque. Ça t'envoie au charbon, fais tes tiges. Réveillé par la stupe à 6h au clock, j'ai pas le vertige. J'ai pas le vertige. J'ai plus que je raconte, j'ai perdu mon texte, mais je suis pas sonné. Ah, c'est pas grave. Je suis pas sonné. Un peu d'un. La 25ème. On enchaîne l'ancienne école ou y'a pas d'ancienne école? Y'a pas d'ancienne école, on y va. Skelele, skelele. Skelele, skelele. Skelele, skelele. KX, KX, KX, bang, bang. Babang. Skelele, skelele. La 25ème. Babang. Bang. Oh. Hey. Fucked up dans le truc et c'est carré. Full up d'aspi dans le col, j'suis préparé. T'inquiète, j'assure, tu fais marrer. Tu donnes des blagues comme si t'étais obligé. J'suis un congolais sur couleur métissée. Bah, bien sûr, je capture, c'est fait s'épicer. Si tu veux venir test, faut pas hésiter. Donc, du coup, je la tue sans faire à côté. Mais qu'est-ce t'attends, loco, je fly, ego, tu smoke, desco, t'as chaud. Parce que j'suis chaud, t'es chaud, poto, t'es faux, zéro. Il est 5h du mat et j'ai même pas fermé le tarac, il fait la folle. Tu devrais veiller sur elle, négro, c'est pas possible. Négro, c'est plus possible. Mais les choses dans ta vie, tu vois plus rater, plus quitter. Dans tout ta rap game, j'ai l'ambition de te buter. Et si tu fais le gay, t'ouvriras jamais tes pupilles. Et si tu fais le gay, t'ouvriras jamais tes pupilles. Négro de merde. Et négro de merde. Et négro de merde. Et négro de merde. A 3 ou à 4 dans la brochure, ça se démarre. J'y casse sur le clé, je suis content, ça démarre. Y'a full up d'aspi quand je mélange la sativa. Tu fais ce qui quand y'a tape et tu fais la mala. Boy, mec, j'ai pas le temps, c'est pour maman. J'ai filé sans renseignement. Mauvaise soirée, fini en sang. C'est pour ces fesses que je viens seulement. Et ça me dégoûte, je vois qu'on me ment. Des bites pas très cool et qui me désolent moi. Je me fous de son boule dans la masse, je m'effoule. C'est pas ça que j'ai voulu, regarder comme la moon. Alors qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que t'attends? Dans un mois où tout l'op croit pas que je mens. Je peux gérer ta gauche, je vais voiture allemande. Mon équipe est mon étoile pas flamand. Alors fuck toi et ta team, on n'est pas comme vous. Sur ces seins, je fais de la détine, j'ai beaucoup d'atouts. Elle fait la maline, je crois que je vais la ligne. À skip, j'ai fait bonne mine, ce peu rage patine. Et c'est pas de ma faute si je dors très très tard. Je me réveille, je suis fucked up la veille. Ça se voit que j'en ai marre. Et putain de merde. Et putain de merde. Et putain de merde. Et putain de merde. Et putain de merde. Et putain de merde. Et putain de merde. Et putain de merde. Et putain de merde. Aïe aïe. Remets la prod. En ébullition, avec mes règles tous à l'unisson. Ciao. Depuis que je suis nourrisson, si tu cherches les problèmes, on a que des solutions. Uniforme, le planqué dans le buisson. Et au plancher vers toutes mes ambitions. Bang, espère qu'il y ait collision. Bang, dans l'équipe, il y ait dissolution. Bang, je marche dans la ville, bouteille sous le veston. Mais se demande ce que je mets dans la potion. studio quand je sors de la cabine. Tout est carré, demande à la gestion. Tu veux que je perde, non tu perds la raison. Un cerveau grillé par la tise, la résine. Y'en a qui me soutiennent, je passe pas sur les ondes. Je vais te faire mentir si tu me sous-estimes. Je les ai cramés depuis le départ. Entre nous et eux, ce qui nous sépare, c'est qu'on l'a fermé, qu'on fait taf. Et on se vante pas de ce qu'on fait pas. Faut que ça pète tout pas. Toujours en forme malgré les coups bas. Leur faut pas de cadeau. Putain de merde. C'est la 25ème. C'est la 25ème. La 25ème. C'est la 25ème. C'est la 25ème. C'est la 25ème. C'est la 25ème. Spécial KXR ce soir. On est avec la balistique. EDRF est par là. Edinho est par là. Tous présents. EDRF. Babang. Élu, DZF, Y, babang, bang. Babang, bang, babang. La balistique. Bang. La balistique. La balistique. La balistique. Belka, belka. La balistique. Belka, belka. Des barres au goût de la clientèle. Dago dans ton lit, je l'appuie en 4. À 4 âges, plus mon texte à l'hôtel. Au studio, je démarre la prod en 20. Que des 20, tu veux, dis, je le coupe en deux. Gabonais, champion olympique de taekwondo. Faire de l'argent, ce que l'on veut, investir autre part que dans le bendo. Dès que t'as des petits, tu peux plus fumer de bédo. Y'a des putes qui font les puits, ça vrai sur le réseau. Juste pour le respect, tu vas tes sauts. Porter l'œil, ça transkizo. Vends son corps pour se mettre dans du Kenzo. Coup d'un soir, pas d'histoire de friendzone. T'as du cran et des yeux, viens nous voir dans la gueule. Viens nous voir dans la merde. On est quatre, viens nous voir dans la zone, on est quatre dans la tête, donc ça part en accord. Donc ça part en accord, ça part en accord, donc ça part en accord. Et ça part dans la tête. Et ça part en accord, ça part en accord. Et ça part en accord, et ça part en accord. On est quatre dans la tête, donc ça part en accord. C'est plutôt ça que quand on fasse son score. Détail un peu frac qui démonte et décale, y'a les keufs qui débarquent. Oh Michael, c'est ma famille d'abord, oh my god, on va les mettre d'accord. Business illégal, transaction régionale. J'enchaîne les péchés avec Vla les délits. Laisse-moi quelques looks qui je rachèterai 18. Je suis dans les starting mais je fais plus d'athlétisme. Plus je grandis et plus je perds des amis. Dans ma rétine la gomme d'hypocrite. Toute ma vie rien que ça les hypnotise. Commerce triangulaire ou business maritime. Je suis dans l'argent facile paraît-il. Elle eut deux effets balistiques. Je suis toujours en jogging. Je vous laisse porter des slips. Un simple freestyle pour que je déborde d'un sport. La poire est trop bonne, certaines fois me aussi. Les jaloux vont maigrir. On me dit dans le rap t'as de l'avenir. Et bon comme ça paye pas les viscères dans ma ville. Je suis tout seul et je marche qu'avec le fil. Tu suces tout le monde, t'as rien à dire. Depuis peu j'ai des envies de crime. Mais j'écoute les conseils de la famille. Mais j'écoute les conseils de la famille. Mais j'écoute les conseils de la famille. La famille. Les conseils de la famille. La famille, la famille, la famille. La famille. Vas-y, change direct d'instru, c'était chaud. On repart dans l'espagnol. Dans l'espagnol direct. Si tu es chaud. Ouais, vas-y, vas-y, c'est bon. Ah, encore celle-là. Après, c'est toi qui vois. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres books qui veulent. Vas-y, lâche. Après, tu lâches, mon gars. You call. Vas-y, hein. Vas-y. Je lâche le petit jazz après, c'est bon. Hein. La 25ème. Hey. Spécial. Hey. Hey. Hey. C'est Kaïk. Pull up directement. Pull up directement. C'est reparti, KXR. Hey, hey, hey, hey, c'est KXR, c'est KX, ouais, c'est KXR, c'est KX, ouais. Session freestyle. Crapa, pa, pa. Et c'était un frère. Et c'était un frère. Et c'était un frère, et c'était un frère. Maintenant c'est plus du tout un frère. Limite on avait la même mère. Quand c'était galère, on était solide comme du fer. Même si ça en avait pas l'air. Elle me disait qu'elle était chaude et moi aussi. Du coup je l'ai démonté sans aucun souci. Quand t'as des ennuis, pas mon négro tu fuis. Quand t'as des ennuis, pas mon négro t'es où. Quand t'as des ennuis, pas mon négro t'es où. J'ai rêvé de monter haut pour ne plus voir ses faux. Et quand t'es solo, tes amis tournent le dos. Alors j'ai capté qu'il faut retenir ses mots. Y'a Wills qui détend son bras pour ce pétard. Y'a Cop qui sent pas les couilles de ce pétard. Y'a Kassou qui est toujours chaud pour ce pétard. Et moi en pensant je tire ma putain, hey. Mais pour l'instant je vois rien de beau. Tes paroles de pute tiennent pas debout. La gola c'est une prod de la débauche. La prod je la coupe en deux mais moi debout. Dans ma tête y'a trop d'infos. Donc mon cœur bat la chazal. S'il te plaît ne fais pas le fou. Car ta sœur tapine à chamar. 6 ans que tu lâches ta voix sous-marin. Maintenant j'ai tout noyé à la surface. Allez dire aux haters que tout va bien. Car quand moi j'avance il faut du surplace. Calé au fond de la classe, classe sans avenir. Ils disent que ça, ça concerne. Putain. Allez parler dans mon dos, mais moi depuis mes 15 ans, tu fous du bordel là, ça concerne. Y'a que la rue qui m'enseigne, scène. J'ai retourné les scènes, scène. Frappe pour viser le mille. J'ai peur qui scène quand je rappe tous mes souvenirs. J'ai que de la scène, frappe tous mes ennemis. Ma mère m'a dans ce milieu de merde. J'ai fait que ta fille, je rappais ma haine, j'ai fait de maille. Je garde mes valeurs, je m'en fous de votre maille. Je rêve de succès pendant que je rêve d'autres nailles. Je rate ma vie quand on paye nos erreurs. On sait bien que ça vaut la tarif. J'ai peut-être pas l'argent des Qataris, mais je mettrai sur notre victoire si y'a pas de pari. Par ici, l'argent nous manipule, les médias nous mentent et je me demande quand ça cessera. Faut des colis que je dois s'affaissera. On a passé du diable devant les idées, non, c'est pas fort. J'ai pas dosé, je vais rentrer mes projets. Une coupe de zéro coup de 10, maintenant ça t'a mise. Ma vraie valeur n'est pas dans mes poches, décolle des pêches pour les mettre tous au tatami. Direct, j'ai le DRF, Kaiser. LU, DZF, Y. Tiens mon pote jusqu'à minuit. Trop de clients, même en pleine nuit. Te prends pas pour un ouf, là c'est plein nez. Il faut coffrer, sinon dans 6 mois c'est la pénurie. C'est sombre dans la cage, y'a la mort. Le gérant fait les comptes dans la mapane. Poche d'art aux couleurs du temps pondeur. Conducteur maîtrise bien la bécane. T'as la dalle depuis un on n'a pas graille. Si je m'acharne, ils font que dalle. Un coup de gaz, tu viens tout pâle. On sait qu'il faut pas avoir la mort à tout pack. Ça brasse bébé dossé, héros à tout âge. Négro emprisonné pour valoir ses droits. Demain Sankara, Nelson Mandela. Mais l'histoire, on sera que de passage. Camion bélier, on va pas snachave. Merde en série, il se croit dans Netflix. Jamais goûté la gamelle, c'est fantastique. 12 euros bloc pour 100 balles, c'est la balistique. C'est la balistique. C'est la balistique. KXR, EDRF, la balistique. Hey, hey, ciao. Vas-y, prends ma gueule. Hein? Négrito, prends KX, prends KX. C'est KXR, c'est KX, ouais. Young 243, je la pète, pète. Tu sais, l'ambition, c'est de vendre la moquette. Je suis pas content, ma tête, c'est pas la fête. 5 fois dans la prime, du coup, je crame la garette. Oui, t'as compris, c'est pas normal. Tu fus gravite, mon négro, pas la mentale, non. À force de lui faire du sale, t'as capté cette folle-là. C'est mon petit casse d'allégro. Petite finition, un mini d'un putain de verre de glaçon. Tu fais le baron, mon gros, je sais que t'es mignon. Mon négro, c'est ça la vie. Et j'ai pas le temps, je veux du frutti. Depuis petit, je me sens trahi. Et le daron, on n'a jamais ri. On s'amuse et cracher sur les turvois. Maintenant je crache sur son cul, est-ce que tu vois? Pendant que tu passes ton temps rager sur moi, je vois le ref qui commence à dire papa. Et j'ai pas le temps de fixer ta putain de gueule. Le Yankee n'est pas abordable. Pas abordable. Le Yankee n'est pas abordable, négro. Daron est parti. Son daron est parti. Son daron est parti. Son daron est parti. Sa daronne est inquiète. Il lâche les gros pots pour être sur le corner. Il capte la bécane, ça gênait le respect. Et c'est pas une poucave, il assume pour ses frères. Il compte sur personne, t'es ta tête, il te mange. Il fait beaucoup de sommes de blessures, il dérange. Il en fait pas de tonnes quand il parle de plafond. C'est sur lui qu'faut parier, c'est sur lui qu'faut miser. Et là, il s'est retrouvé là-bas. Il a pris 6 ans, bas les couilles des mandats. Y'a que son petit frère qui est là. Il pense à sa mère qui est malade. Le jour et la nuit, comme ses bras. La barbe a poussé, 4 ans sont passés. La barbe a poussé et le petit frère aussi. La daronne en l'air toujours au bout du fil. Le médecin a dit que c'était bientôt fini. Et ouais, mon gars n'a plus le sourire. Il repense à sa dar et puis tous ses souvenirs. Il verse des larmes quand il pense à sourire. Bah ouais, malgue. Bah ouais, malgue. Négrito. Rebalance une fois, ciao. En tac-tac, si t'as le taille. Et une petite prod comme ça. Une langue. BBM lent. T'as capté. Ouais. Tu finis sur ça, KX? Vas-y, hein. Si tu le sens. Mélange sévère dans le cup, je vois flou. Demande pas si je vais bien, négro. Des milliers de rappeurs dans mon cup, je suis fou. Je les bois comme si c'était du vin, négro. Smoke Maria, je tape Maria, je mélange Maria, je passe à Maria, elle me trouve marrant, mais moi je vais mailler, je fais beaucoup de mal et je rentre dans la mêlée. On va te balader, tu vas plus ravoir. J'ai la jack à l'oreille, elle me dit de la boire. Elle m'a bien mangé, j'ai les yeux tout noirs. Je veux une bête de paye pour le mat noir. Boy, elle me console gentiment, elle a 3 kg de make-up sur sa tête et haut. On le sait que tu mens, hein? Depuis que tu rappes tes fesses sont tout ouvertes tranquillement. Alors ça dit quoi? Tu payes ou tu tailles? Tu formes, m'en veux pas. Tu mailles et t'as mal quand tu rappes, c'est une galère. Je monte et j'accélère, je ferai tout pour ma mère. Menteur, j'en ai pas l'air. Menteur, j'en ai pas l'air. Menteur, j'en ai pas l'air. Menteur, j'en ai pas l'air. Menteur, j'en ai pas l'air. Je pense à ma vie de j'pas. Non. Elle me demande si t'es nanana. J'ai pas le temps pour ces putains, j'fais mon butin. Mon butin, j'le fais en premier. Personne va me raisonner. J'pars en impro, j'suis grave déter. Personne va me raisonner. Ah ouais, ouais, ouais. Je vais raisonner. Ah la ouais, vie de ma mère, y'a pas d'autotune. Ah ouais, ouais, ouais. La vie de ma mère, y'a pas d'autotune. Imagine aussi dans mon bédo, au guidon d'un scooter, gros cube, break sa matrix dans le bédo, faire venir l'inspi dans son YouTube. Sa main sur ma teub et mes poches tard. Ça te tape à 6 heures de jour de jet, à la bouche fermée. Si tu l'ouvres ta bouquille, mets tes hauts stars. Solo, une quête en détail, le terrain ouf. Comme au bang, ils sont au sol. Donne le go et des sous, je deviens tueur. Quand tu prends des coups, tu n'as plus peur. T'inventes pas des couilles, t'as peur du sang. T'as pas tes papiers, pourquoi stresser? Si j'ai pas de bif, bah j'en refais. Soit je brasse à mon compte ou dans le refou. Dans les deux cas, je me mets à refourguer. La substance est calée, tu te vois, tu me vois plus, tu te fais tabasser. Ouais, en vrai, normal, hein. C'est ça, frère. Logique, si, hein. Si. On était avec KXR. L'émission spéciale ce soir. La 25ème. Merci à la balistique. La 25ème. La 25ème. La balistique. Force à ceux qui écoutent. Voilà, grosse c'est fort. La vie, ceux qui écoutent. La balistique. KXR. Ciao. La 25ème. J'ai vu sur les réseaux, tout ça, ça défonce, les gars. Big up. Ouais, même moi, j'ai reçu des snaps. Attends, je vais dire des blases quand même. Big up à mes gars de Montpellier directement. Sacha, Lino, c'est ça, les gars. Yes. Tous mes gars, Wills, tout ça, on est là. Ça défonce, les gars, merci d'écouter. En tout cas, pour nous, ça fait un mois exactement aujourd'hui qu'on est là. On a déjà reçu pas mal de monde. Donc merci KX. Ah, merci à toi, tous gros. Ceux qui sont là. Et merci Dino à toi aussi. De m'avoir invité. Normal. Et n'hésite pas à nous recontacter quand t'auras un projet, un truc. Pas de problème. Jonas, ouais. T'avais quelque chose à dire ou pas avant de faire tourner du son? Ne quittez pas, surtout les éditeurs, ne quittez pas là, on va balancer du son 100% local. On vous a fait une petite playlist, on va plus parler, on va que balancer du son. Clip demain surtout. Clip demain. 20h. KX, Maria, 20h. Maria. Inchallah. Ingrat. Non, mais on te connaît, frère. Non, on fait tous des prières pour que Gras soit touché par la grâce. Ok, ce soir, la 25ème. Merci à KXR d'être passé. On va vous envoyer du son et on va arrêter de parler. Allez, big up, les gars. Bonne fin de soirée. À bientôt. Je connais pas trop les règles alors de ton papier. Dans mon écras c'est fêlé comme un deal. Veulent tous investir dans la suie, dans l'acier. Mais personne ne calcule la puissance de l'ogive. Pour rap c'est logique, je me marche, j'ai trop mis une partie de mon cible dans l'oreille mauvais. C'est catégorique, je bougerai de la ville vers les tropiques quand je serai rêve de l'ové. Serre-moi un Romain, coûte 10 000 par mois. Je veux le meilleur ainsi que mon île ici. J'ai vu la beauté dans les yeux de maman. Ne me parlez jamais de vos mots, je t'ai dit vite. Je vais bourrer des pifs, ramener la coupe chez Bibi. Braquer la foule et les pitres. Arrêtez de jouer les plus cramés de la street. Chez nous, on t'aima pas ces bêtises. Fâché c'est dit, allez cicatriser un max. Je vais trafiquer la carte. Venez mastiquer la veine. OP comme Benalla. Couverture des l'impact. Couverture des trappards. Défonds dans les pare-balles. Savon pour les mains sales. Je rentre dans la foule à la Benalla. Tout matraqué à la Benalla. Kéké casqué comme Benalla. Puriste débarque, fais sonner l'alarme. Gère la manif à la Benalla. pèse la justice à la pénala. Je mérite le brassard comme Benalla. Je vais laisser ma marque, fais chauffer la lame. Je vais sauter ta dame, je compte pas sauver la plat. Net dans ma tête, je le suis pas dissipé. Sans m'avertir, dissipé, je rappe là. A Miami, plat, y'a pas de Mississippi. On sera plein sans rappeler, serait sans sas. Sans cesse, me ressasse, je remplace sans rappeler. C'est rappé, je peux pas percer sans tasse. J'suis en apnée sous la glace, Ibrahim est dans la cesse. Sus, Alex à l'immunité. T'inquiète, à qui tu crierais. Là, la presse a dit que tu suivrais. T'as gratté ta pièce, en plus sur replay. J'vois mon âme sur eBay, mais l'occasion n'emballe pas. Moi, qu'aime, je compacté dans un gomme au bal droit. J'attends là que mon mal passe, épaule gauche contractée. L'attention est palpable, prends ton bail et l'achat. Range ton arme, qu'on s'acharne, c'est ce qu'ils pensent quand tu trans. Soit tu plonges, soit tu tranches, faut que tu tranches sans blétrant. Là, tu ne ronges, toi tu manges, focus, venge quand tu sombres. Aucune chance qu'on m'attrape, j'vais skipper pendant que tu mens. T'existes que quand tu flambes, j'esquisse le plan, tu penches. J'laisse pisser le temps d'une manche, l'esprit se détend, tu flanches. J'ai pris l'exemple du grand, mépris des gens durement. J'ai kill 16 ans brûlant, tes frites, c'est pas hurlant. Je rentre dans la foule à la Benalla. Tout m'a traqué à la Benalla. Kéké casqué comme Benalla. Buris débarque, fait sonner l'alarme. Gère la manif à la Benalla. Baise la justice à la Benalla. Je mérite le brassard comme Benalla. Je vais laisser ma marque, fais chauffer la lame. Veux chaud comme Barthez. Brusson comme Bronson. Je veux des gros sons mettre à l'aise. Violence et travers, pulsion qui me traverse. Je trouve repos dans Mandala. Depuis Mino, j'ai mal à l'âme. L'accès, cerveau désaxé à la Benalla. Je pourrais rapper des heures et tout dire, mais j'ai capté tout le vice de la ville. J'y navigue à l'aveugle, les sûrs qui sont vives car elles vivent à la veuve. Dites bienvenue à la meute. Les enfants terribles vu le périple. On a la vie pas la mieux. Tout va si vite, trop train de choper des rides. Je déteste vos manifs. Les engagements sont bidons. Un peu if tête dans le guidon. Je me sens vivre, ouais c'est puissant. Attends, faut que je t'explique. Je vois des trucs qui te brisent, hein. T'as l'air speed toi là, tu supportes pas ça, on est que de passage. Je rentre dans la foule à la Benalla. Tout m'a traqué à la Benalla. Kéké casqué comme Benalla. Buris débarque, fait sonner l'alarme. Gère la manif à la Benalla. Baise la justice à la Benalla. Je mérite le brassard comme Benalla. Je vais laisser ma marque, fais chauffer la lame. Qui passe plus shit que brigade anti-drogue. J'ai pété l'uniforme, dirige le cours de gym. T'es con si tu pris l'homme. Top vie sans binôme, des liens sans philo, sous monde à l'opilo. Mondial des philos, j'ai pris l'or. Le monde allant plus mal, j'suis plus fort au final. C'est fino, raffiné. L'espoir a pris l'eau, j'ai filmé. Prendrai l'apéro à Sydney. Truc et les JO, les Chiro et Triqué l'ont pris haut. J'pars avec brio, templier, bélier sur ma Clio. Tout est maquillé, ma guimauve. J'ai des choses à faire oublier. Moyen t'es mio, j'suis nouveau nominé. Nouveau mobilier, nouveau proprio. Hey ya, restez dans le préau. Crier sous les gaz lacrymo quand j'écris le requiem. J'ai pas le temps Nico, faut que ça fume. J'enterre le magot sur la dune, faut que ça dure. J'encule la nature, j'fais des tours d'hélico. J'ai pris des photos de l'école des mioches du juge. Alex peut les visiter. Alex a l'immunité. T'inquiète, à qui tu crierais. T'as gratté ta pièce, baisse appuie sur replay. Dites bonjour à Alexandre. Bonjour à Alexandre. Dites bonjour à Alexandre. On s'en bat les couilles, on donne pas l'exemple. J'rentre dans la foule à la Benalla. Tout m'a traqué à la Benalla. Kéké casqué comme Benalla. Puris débarque, fait sonner l'alarme. Vivre vite devient un luxe, enfermé dans la matrice. Tu vas te vider au but. Ta meuf t'attend à la messe. On en voudra toujours plus. L'homme il n'y a rien qui l'arrête. T'es trop souvent qu'on abuse. Dans le péché t'es à l'aise. Faut pas rater local. T'as frappé local. On le fait à l'audace. À la fouille tout dans le socal. Y'a que la peu qui m'apaise. Tant qu'on soit même dans le bus. Quand tu avoues tu m'appelles. Faut pas que tu crames ma puce. Belle écho trop de boulettes. Final de grosse bouffée. Petit, j'avais la lèvre, aux anniversaires j'étais pas invité. Plein de MC qui m'appelle, pour alors, redonner pas sa chair. Car dans la vie tout s'achète, mouton berger, faut choisir ton côté. Alors, alors, alors. Mundo gira, mais j'non gira, só à tout à volta. Aïe, aïe. O mundo gira, mas não gira só à tua volta. Aïe, aïe. O mundo gira, mas não gira só à tua volta. Abra a porta e vê. Respira bem fundo e vem para a rua, dread. Entra nesta arena e tenta sobreviver. É guerrilheiros desta life que tanto batalharam. E agora ninguém os vê. Mantenha fé, liberta o teu instinto. Percorre novos caminhos. Cuidado com os inimigos. Estão sempre prontos para atacar. Só para verem perder o teu tempo. Tu dá voltas e voltas. No carro ao céu só temos que nos erguer e manter as forças. O mundo dá voltas e voltas. No carro ao céu só temos que nos erguer e manter as forças. Ai, ai. O mundo dá voltas e voltas. Vida de merda, tantos altos e baixos não dão valor. Prevalece o interesse perante a amizade. Dizem-se uns aos outros, dread só para conseguir lá chegar. Eu tô com a minha fam em busca do nosso cash. Fake, já não chegam perto. Chega de sobrevivência, quero o que é meu. Criados na merda, saímos da lama, saltamos para a arena. Destinados a vencer, persistentes nesta cheta aqui. Ninguém desiste, estamos a subir montanha. Sem buzzes nem boleias, cabeça em brasa, G. Acende a vela e mata a garrafa. Enquanto eles falam, nós estamos a fazer. É isto o nosso lifestyle. Ninguém é esquecido, ninguém fica para trás. Não temos nada a esconder. Temos nada a esconder, destinados a vencer. Persistentes nesta cheia, estamos a subir montanhas. Sem buzzes nem boleias, em busca do nosso cash. Brá. Cash. Brá. Et on traînait tard le soir. On recherchait qui on était. J'ai toujours juré d'être sincère, même quand j'étais entouré de traîtres. J'prendrai ma chance par la force. J'ai tout donné, mais pour la suite, ne crois pas que j'm'efforce. Tard le soir, on recherchait qui on était. J'ai toujours juré d'être sincère, même quand j'étais entouré de traîtres. J'prendrai ma chance par la force. J'ai tout donné, mais pour la suite, ne crois pas que j'm'efforce. Mon équipe a tout squatté le bitume, la renouse a tous tenu un cœur de pierre. J'aurai devant mes pros que je réussirai, je tiens mes promesses, donc maintenant je ne peux que le faire. Fermez-la, fermez-la, fermez-la, tu crois vraiment que je serais plus que à Pamela. J'ai tout plié sur scène et quand on les appelle, il faut genre qu'ils sont jamais là. Bande de lâches, c'est vos artistes, mais nous sachez qu'on fera pas la même. Gardez votre équipe, y'a très belle fierté et je n'irai pas si pour ça faut que je vende la mienne. J'ai tout donné, je serais pas là si j'avais pas rendu les coups. C'est que par les soirs on était sous les toupes, en liberté dans ma chambre, je suis comme sous écrou. Je tourne en rond et y'a que sur scène que je me sens à ma place. D'être connu, je m'en fais du million de vues tant que je vais faire devant ma glace. J'ai compris que me fier à la raison me causerait du tort. Prendre l'avenir, je suis pareil, moi ça me fait plus peur depuis que j'ai vu que le passé nous rendrait plus fort. Je t'avoue que j'en ai fait un tas d'efforts, pourtant ce monde me rendait plus mal. Tout part en couille, elle pense qu'à leur fin, maintenant les reines des toits deviennent les reines du bal. J'arrive comme une balle, dans le fond, je m'en fous qu'ils soient préparés. Faudra de la folie pour toucher le sommet, alors j'assume que les autres risquent de se tarer. On recherchait qui on était, j'ai toujours juré d'être sincère, même quand j'étais entouré de traîtres. J'prendrai ma chance par la force. J'ai tout donné, mais pour la suite, ne crois pas que je m'efforce. Le soir, on recherchait qui on était. J'ai toujours juré d'être sincère, même quand j'étais entouré de traîtres. J'prendrai ma chance par la force. J'ai tout donné, mais pour la suite, ne crois pas que je m'efforce. Tu crois pas que je rêverais de bail d'ici? Et les tasses plaques, on est le sang glacé. M'attendant de l'écrire à 3h du mat, qu'on les côtés des bars pour calmer le voisin qui prend de l'acier. Mais Dieu merci, j'ai mes projets et toute mon équipe qui est là pour y croire. Ni tes followers, qu'on sert avec Josman, tous ceux qui me soutenaient étaient là pour m'y voir. Je fais grimper le thermostat comme Chao. T'inquiète ici, les gars, bah, sont sérieux. Ils nous ferment les portes, ont cassé serrures. Le taf est propre, mais faire du sale, pareil, c'est mieux. Et je vous emmerde, vos critiques ne mèneront nulle part. Je préfère rester moi-même plutôt que d'opérer comme la plupart. Tu sais pas d'où je viens, 6 mois, les poumons noirs, si par les usines en face de chez moi. Parti d'en bas, je suis très pour le top, mentalité HLM, y'a pas d'autre chez moi. A 220 et on passe à 6ème, besoin 36, ça fait pas tant de roues. Je sais qui sont mes frères, je sais qui sont les vrais, mais plus le temps passé, je vois que les certitudes partent en doute. J'coute la passion, mais mon cœur est froid, y'a peu de choses à faire. Et si t'aimes le luxe, c'est que t'aimes l'argent, bébé, toi et moi, ça fera pas l'affaire, non, non. J'pense à Lio qui m'a dit, fais confiance à personne, car tout est faussé. T'inquiète frérot, j'avance qu'avec les vrais, j'coute bien laisser mes traces, même quand je fais les effacer. On recherchait qui on était, j'ai toujours juré d'être sincère, même quand j'étais entouré de traîtres. J'prendrai ma chance par la force. J'ai tout donné, mais pour la suite, ne crois pas que je m'efforce. Le soir, on recherchait qui on était. J'ai toujours juré d'être sincère, même quand j'étais entouré de traîtres. J'prendrai ma chance par la force. J'ai tout donné, mais pour la suite, ne crois pas que je m'efforce. Sûrement une hallucination. Et voilà! Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah! Pablo on the track. Ramène tes putes dans le lire des, ramène tes gars en cas de l'erga. Le camion bélier, faut l'esquiver. Ou c'est la garde d'eau qui te pend sous le nez. Je leur mets des vitesses à la Arnhem. T'es connu mais t'as pas de SACEM. T'es connu mais t'as pas de SACEM. Trop de punchline dans les barillés. Je prends tous tes rappeurs, tu veux parier. Avec des chicanos, des gentariba. Tous ces pélos se prennent pour des parias. On veut des lingots un peu comme Pablo. Fais pas sa cavale, on fait Stario. Carrier, mes gars sont affamés. Passe la FC, ouais c'est mal famé. Fais la mala, nos stress. Je ramène la prod et on blesse. J'ai vu ta soeur en soirée. Igo, t'inquiète pas, qu'elle encaisse. Qu'elle encaisse, Igo, t'inquiète pas, qu'elle encaisse. On fait les bails, on fait les bails et on encaisse. Je suis chaud bouillant, je les prends en fiteux. Ramène la caisse que je la vis d'eux. On vise le succès sans la peur du bideux. Un petit nouveau, appelle-moi le kid 2. Numéro 10 sur le terrain, Ghost Rider sur un R1. On n'est pas des boulangers. On a les mains dans le pétrin. Cryogénie, vas-y, j'apparais. On trouve ton corps tracé à la craie. Ces fils de pute, je joue arrête. Ça se voit dans le plus profond de leur être. Ça se voit dans le plus profond de leur être. Je suis pas ce que j'ai toujours voulu être. De tuer l'ennui. J'ai passé ma journée dans le quartier. Les bosseurs étaient sur le corner. Sur le corner. Beaucoup trop occupé à viser. T'as perdu ta meuf, tu l'as vu. À un autre, elle a donné son cul. Si elle t'approche avec gentillesse, c'est que dans le fond, c'est une diablesse. C'était ton pote, pourtant il l'attaque. Tu veux le faire, tu te donnes en spectacle. Mais t'es dans le bang, s'accrocher à la rue. Et pire qu'un geôlier, tu la gardes à vue. Tu la gardes à vue. Tu la gardes à vue. Et pire qu'un geôlier, tu la gardes à vue. Sur le pétard, pas de garde à vous. Tu le veux à genoux, se roulant dans la boue. T'es tombé love d'une pute. T'assumes pas sa répute. Tu rêves de l'envoyer dans les bras de Belzébuth. Mais t'es pas con, tu penses à ton charbon. Les condés débarquent et ça part en demi-fond. Et ça part en demi-fond. Les condés débarquent et ça part en demi-fond. T'es tombé love d'une pute, ouais, ouais, ouais, ouais. La mort attire que les putes, ouais, ouais, ouais, ouais. T'es tombé love d'une pute, ouais, ouais, ouais, ouais. La mort attire que les putes, ouais, ouais, ouais, ouais. Sommet, pas toujours été dans le même bateau. Fais tourner le bénège, vise le sommet, j'fais pas de cadeau. Y'a forgé plus sommet, pas toujours été dans le même bateau. Il faut mon casse dalle. Et sur le raté, dis-moi, poteau, toi tu gères moi. Et j'ai jamais faire ça. Il faut mon casse dalle. Et sur le raté, dis-moi, poteau, toi tu gères moi. Et la grosse crache, ma haine. La patate douce que j'emmène. Les yeux rivés au ciel. La bite à bise, ça se fait. Contre l'odeur, t'as deux chats. Donc évitons les blabla. Les gens remettent dans le gobelet. Mais là, t'as vu, je vais décaler. Petit danger, des règles. Je t'ai c'est pas de manière à te remplir des choquets. Choquets d'années, mais mon hiver. Il veut peu importe la saison. On agit vite sans pression. Sans pression. Les gosses vite faire pression. Prévois un plan B au cas où ils te laissent tomber. Ce soir j'vais me shooter, on voit la tête sur un dé. Prévois un plan B au cas où il te laisse tomber. Ce soir j'vais me shooter, on voit la tête sur un dé. J'en fais mon affaire, tiens ma parole, gros c'est promis. On compte baiser, pleura, c'est planoise, gros on t'a dit. J'en fais mon affaire, tiens ma parole, gros c'est promis. On compte baiser, pleura.

00 FRO AGA 100% tú sabes ya. Tous calés dans le pengs, la plupart se foncent des. Y'a que devant nous, maman et la flic, elle constait. Pour savoir que c'est la merde, pas besoin de faire un constat. Y'a pour un manque de respect ou un billet constat. J'suis allé me dire PTR quand est-ce qu'on style. J'lui réponds, attends, il me reste un peu de détails. Détaillé, détaillé. Ça coupe, mais ça t'ose pas décaler. Gêné quand ces petits veulent tes photos. A l'aise quand elle fait, lève la moto. On va te niquer ta mère, t'as trop la boco. J'ai des refouges tard qui sont bloqués. On fait pas de cinéma, nous. Elle fait que de me témoin, mais je reste dans mon zoo. Elle veut qu'on sorte ensemble. Mais bébé, si je me déplace, c'est pour les sous. Comme d'hab, je suis posé dans ma cité. Fais pas poser ton cul si personne t'invite. Les balances, les mythomanes, je les évite. Fais gaffe dans la rue, ça peut aller très vite, poto. Qu'est-ce qu'il y a, négro, tu veux fumer. Pourtant, t'es pas mal rouge déjà. Derrière les lunettes, du doré, du doré, du doré. On ramassait, tu dormais, tu dormais. On ramassait, tu dormais. Moi, l'ancien fait pas l'étonner. C'est nous qui gère le bail désormais. L'air pour maman, que je suis désolé. On ramassait, tu dormais. Moi, l'ancien fait pas l'étonner. C'est nous qui gère le bail désormais. L'air pour maman, que je suis désolé. Gêné quand ce petit veut des photos. A l'aise, quand elle fait, lève la moto. On va te niquer ta mère, t'as trop la boco. J'ai des refouges d'art qui sont bloqués. On fait pas de cinéma, nous. Elle fait qu'une me démarre, mais je reste dans mon zoo. Elle veut qu'on sorte ensemble. Mais bébé, si je me déplace, c'est pour les sous. T'as trop la boco. T'as trop la boco. T'as trop la boco. On va te niquer ta mère, t'as trop la boco. T'as trop la boco. T'as trop la boco. T'as trop la boco. J'ai des refouges d'art qui sont bloqués. Par chez nous, les émotions se canalisent avec du vif. Des sourires, même en reste, on partage 50-50. Génération 90, la virgule entre les étoiles. Trop vif pour tomber dans la poudre. On navigue dans les fournaises du diable, que Dieu nous garde. J'ai vu trop de frères passer à table. J'ai rangé ma bannière blanche pour prendre place au festin. Morale dérangée, ambition d'enculé. Ni karma, ni destin. Des cagoules, un fusil sous la table. Hey, je vais pas te faire un dessin. Par chez nous, la nostalgie glace le sang. Trop de frères enfermés, trop de frères décédés. Beaucoup trop emmurés. Les darons pètent un câble, elles ont le moral en berne. Négro, elles encaissent les coups. Les décès, les incarcérations. Par chez nous, Kake Ezobé, Dame Vula Ezonio, Kam Mastayoka. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak. Even if my niggas fall down. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak. My niggas never bow down. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak, when I see my baby come now. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak, you know, the sunshine. La prod est lourde et 16 mesures à la RTZ, papy. Jambes de bois avec des lyrics d'acide. BZVL, a.k.a. Braza. Dévastateur comme l'ouragan Katrina. Noir et ben, les yeux rougis par les carrés de fif. Chambre déterminée, demande à Hardy. Braza, c'est pas Paris, New York ou Brooklyn. Mes coulounaires se transforment en sirène pour pouvoir manger. Africain et fier, je viens d'étonner. Violence suicidaire comme les déclarations à Assange. Lyrics offensifs sans divergence pour les petits refs. Je fais du rap, t'as bébé, demande à frère. Quand je débarque, tarpé se faire. Zaiko, Zaiko. Luanda, Braza, Kinshasa, Kigali. Pour me reposer, négro, tu peux me trouver par là. En train de grailler avec les refs, frère. Oui. Hey, mes coulounaires, mes Kadogo. Oh. Mes bébés noirs. Oh. Kodak, Kodak. Négro, je suis pas le mafieux par ici. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak, my niggas never bow down. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak, when I see my baby come now. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak, you know, The sunshine. J'ai fait riche, j'ai trop prôné la paix. Yeah. Ma spiritualité sur une foi sans issue. En attendant, le crime m'appelle. J'ai jamais à dérover des tarias, je reste discret. J'avance comme une taupe jusqu'à prendre l'air. Propice, la nuit est sombre et orageuse. Dans mon ghetto, les transmetteurs ne ramassent que des miettes. En espérant renverser la tendance, des poteaux atteignent sénilité qui, pour une dose, peuvent te buter. J'ai rendossé mon baguillage et ma paire des Nike. Mon ambition et mes textes de renégat. Babylon, ton dort en remplissant tes poches, des gnarins. Moi, c'est Brasa, je m'en branle du buzz et de tout ça. J'écris pour faire bouger les refrains. Pas le temps pour les salopes ni les poucaves. Hey, t'as reconnu ça? Bantu style, yeah. Yo, ça c'est au décaniveau. Bantu style. Benz. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak. Even if my niggas fall down. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak. My niggas never bow down. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak. When I see my baby come now. Faut que j'arrête les conneries. Je crois que je vais me faire sauter. T'écoutes quand t'entends boss. Voir les ennemis tomber. Voir les ennemis tomber. T'as flow pompé et pompé. Air tombé. Puis B.A.L. est tombé. Faut que j'arrête les conneries. Je crois que je vais me faire sauter. Faut que j'arrête les conneries. Je crois que je vais me faire sauter. T'écoutes cross dans ton poste. Je vais voir les ennemis tomber. T'écoutes cross dans ton poste. Voir les ennemis tomber et tomber et tomber. Voir les ennemis tomber. Faut que j'arrête les conneries. Je crois que je vais me faire sauter. Des coups de crosse dans ton poste. Je vais voir les ennemis tomber. Des coups de crosse dans ton poste. Voir les ennemis tomber et tomber et tomber. Voir les ennemis tomber. Différent. Je suis différent. Investi dans la différence. Distinction, appartenance. Appartenance, mon appartenance. Négocie le testament. Tous bloqués sur la vie d'avant. À avancer sur la vie de rêve. J'suis comme Kennedy. Materazzi. Maserati. Sous whisky qui. Parisi. Allez-y, allez-y. T-A-R-K.